Start. Where's the start? Just a minute. She's a stone set in your eyes. We've all without you. bloody Sunday. Sunday, glory Sunday. Moi j'ai accéléré un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire à 140 km/h? J'ai trouvé une batterie. Ma vieille batterie. Comment on fait pour clear? Là, on improvise. On improvise, on s'en fout. We'll be right back. Thank you. I know the game. It should have happened to end this way.